suis agrégé d'histoire-géographie au lycée Aragon-Picasso d'Ivoire et je fais une thèse sur la justice de paix et la société dans le Rhône des années 30 à 1958 et dans le cadre de mon master de dans mémoire de master 2 que j'ai fait à Lyon 2 en fait sous la direction de Gilles Vergnon. J'ai travaillé effectivement sur Givors, une ville industrielle au temps du Front Populaire, lors de laquelle effectivement j'ai rencontré les cafés, et notamment dans les luttes partisanes au moment du Front Populaire. Et donc je voulais commencer en vous disant, en précisant effectivement que Givors est une ville du sud-ouest du département du Rhône, qui est en fait une ville industrielle, autour, dans les années 30, autour de 14 000 habitants, ville industrielle dans laquelle on rencontre, si on regarde la carte ici, que j'ai trouvé en fait sur le site de la BNF, Gallica, où on trouve à la fois des faïenciers, des verriers, des métallurgistes, des cheminots, voilà, des voitures d'enfants, la chapellerie. Donc tout un univers effectivement, nombreux effectivement d'ouvriers hein, que l'on trouve effectivement dans cette ville de Givors. Donc ville industrielle, c'est là, on considère que c'est souvent la deuxième ville industrielle hors couronne lyonnaise après Villefranche dans les années 1930. Alors, Givors est une ville industrielle, mais c'est aussi une ville de café. Alors, j'ai trouvé le chiffre, en fait, pour 1901, mais c'est quand même parlant. En 1901, en fait, il y a 210 cafés qui sont, effectivement, voilà, c'est 200 débitants, en fait, de boissons, dont 100 exploitent des cafés comptoirs, 40 qui sont, effectivement, qui ne vendent que des boissons hygiéniques, dans lesquelles on classe le cidre et la bière, entre autres. Et 70 qui sont en fait des cafés avec des jeux de boules et des billards que je retrouve encore dans les années 30, donc qui existent encore. Donc ces débits de poissons en fait sont si nombreux à Givors qu'on est obligé effectivement, enfin que lors de la guerre en 1916, la municipalité se penche sur les cafés et dans un cadre d'ordre moral pour éviter que les femmes en fait ne viennent dépenser en fait la pension militaire qui leur est accordée, eh bien on restreint effectivement, on cherche à limiter les cafés, mais la municipalité n'a pas l'autorisation effectivement de le faire. Alors il y a de nouvelles demandes qui arrivent en 1922, ce qui montre que c'est sans effet, c'est qu'en 1922, à nouveau, il y a une nouvelle mesure, en fait, le conseil municipal se plaint de ce que les cafés effectivement soient encore très nombreux. Ils disent que, vous voulez lire quand même en fait, que c'est ce nombre de cafés en fait toujours plus important est une menace pour la santé et la tranquillité publique. Ils considèrent que les délits de toute nature sont souvent commis à l'intérieur au seuil des cabarets louches, de toute nature, dont l'autorisation d'exploitation n'appartient pas au maire, mais dont la clientèle se recrute chez les pires ivrognes et avariés des deux sexes. Voilà. Donc ici, effectivement, donc, ce sont des lieux de sociabilité, hein, malgré tout, des lieux de sociabilité populaire, ces cafés, que ce soit des estaminets tenus dans les faubourgs industriels par des femmes de manœuvre, par exemple, ou alors des cafés beaucoup plus reconnus, en fait, comme ceux du centre-ville. Alors, on peut dire, et en suivant effectivement Milan Vulic qui a travaillé sur les cafés, les cabarets dans les bassins miniers en fait, du nord de la France, on peut dire que le café est un triple lieu. À la fois effectivement un lieu de sociabilité économique et sociale, hein, un lieu politique et un lieu ludique, comme on le voit effectivement avec les jeux de quilles et de billard. Alors, donc Givors aussi est une ville marquée par les luttes sociales au temps du Front Populaire. Et aussi une ville en fait où les luttes politiques peuvent être très fortes. Alors, si, la réaction au 6 février 1934, le 12 février 1934, eh bien, est un échec à Givors. Même le journal conservateur, en fait, le Cri de Givors du docteur Croda, dit que finalement ça a été, ça montre que la population givordine n'est pas du tout attentive aux cris effectivement, et aux volontés en fait de remettre en cause l'ordre social dans les au moment du Front Populaire, au moment en fait de cette réaction pardon au 6 février, eh bien ce n'est pas du tout le cas puisque le véritable 12 février c'est en fait la réunion la manifestation antifasciste contre le meeting de Philippe Henriot à la salle de la Scala dans le quartier d'Givors Canal et dont effectivement en fait Bruno Benoît qui est présent dans cette salle parle en fait du véritable 12 février hein, pour Givors. Alors, c'est la formation du Front Populaire se fera en fait très difficilement à Givors, hein, les radicaux peinant effectivement à rentrer en fait dans cette alliance du Front Populaire jusqu'à ce qu'en 1935, eh bien, ils y accèdent. On verra que ça va avoir des conséquences, notamment sur les cafés. Alors, pour les je voulais vous dire en fait pour les sources que j'ai utilisées. J'ai utilisé effectivement la série 4M comme mon prédécesseur. J'ai utilisé aussi la presse et j'ai utilisé tous les recensements disponibles en ligne qui me permettaient d'avoir le profil effectivement des rues dans lesquelles s'étaient implantés les cafés pour voir si cela correspondait à la clientèle ou pas, la clientèle électorale en fait des différents cafés. Des différents partis, pardon. Alors on peut se poser la question effectivement de savoir si comment effectivement les cafés sont-ils agivores, mais aussi un peu plus large dans le comptant, puisque l'organisation des partis politiques se fait à l'échelle cantonale, on peut se demander si ce n'est pas les reflets des recompositions des tensions et des concurrences partisanes au moment du Front populaire marqué par une intense politisation. Alors tout d'abord, on peut voir que les cafés sont les sièges en fait des partis, des lieux de propagande et parfois des espaces partagés entre partis. On peut déjà s'intéresser en fait à trois partis en fait qui sont les trois partis qui traditionnels si je puis dire de la Troisième République, le parti radical, la droite modérée, hein, la Fédération républicaine et le parti socialiste SFIO, hein, qui ont en fait une implantation traditionnelle et classique au sein de Givors, c'est-à-dire au centre-ville. J'ai repéré effectivement en recherchant sur les registres du commerce et des sociétés. Et par la presse, en croisant en fait les deux, repérer en fait leur localisation, et on voit que la localisation effectivement du parti radical, ils ont leur siège en fait radicaux et socialistes sur la place de l'Hôtel de Ville, à proximité de l'Hôtel de Ville, hein, les radicaux au café Bourgeon et les socialistes au café en fait d'Allion, tenu par la veuve d'Allion qui lui donne en fait son nom, hein. Ces comités de Givors socialistes et radicaux se réunissent dans ces cafés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont occupé le pouvoir municipal, ils occupent le pouvoir municipal. Les radicaux à la fin du 19e jusqu'en 1925, puis ensuite effectivement les socialistes avec Mathieu Pina à partir de 1925, qui le reste jusqu'en 1941. Il le redeviendra plus tard. Alors, ces deux forces effectivement qui se partageaient à la municipalité, donc ça explique l'implantation. Et sur la place, sur la sociologie effectivement de ces rues, hein, et notamment de la place de l'Hôtel de Ville, hein, pour les radicaux et le Parti Socialiste, on voit effectivement que eh bien, cela correspond à peu près à leur clientèle, patrons et commerçants, hein, les classes moyennes, les employés, effectivement, les ouvriers représentant une plus petite part, mais ça correspond tout à fait à la clientèle électorale effectivement des deux partis dans les années 30. Le parti en fait de la Fédération Républicaine, la droite modérée, a un siège effectivement au café Jourdan sur la place en fait Jean Jaurès, juste à côté, qui jouxte la place de l'Hôtel de Ville, dans lequel effectivement on va retrouver en fait ces membres de la droite conservatrice et qui en fait on voit quand on regarde la sociologie de la place Jean Jaurès, on remarque que elle est beaucoup plus en fait composée d'employés, de patrons et de commerçants, et c'est les entreprises, la rue dans laquelle il y a en fait les cadres des entreprises, des banques, à côté des fonctionnaires et des commerçants. La place Jean Jaurès, c'est la place des activités bancaires à Givors. Alors, ces cafés, effectivement, sont les lieux de réunion. De quoi discute-t-on ? On discute d'adhésion, on discute de changement, effectivement, de direction. Les grands des partis, effectivement, notamment pour la Fédération républicaine, Victor Perret se déplace en personne en 1935 au Café Jourdan pour exposer la situation économique et sociale de la France. Donc, pour faire effectivement des discours et essayer de capter une clientèle effectivement électorale dans cette stratégie effectivement de devenir des partis de masse. Deux autres partis effectivement se renforcent à partir de 1936 à Givors. C'est le PSF. Alors, le Parti communiste français va profiter en fait de son alliance du Front populaire pour s'implanter en centre-ville, mais aussi en position périphérique. C'est ce qu'on va voir. La réunion constitutive du parti, de la section en fait du Parti communiste de Givors, se tient en fait à proximité et dans le lieu effectivement dans lequel se réunissent les radicaux. Et ça, c'est assez étonnant. Donc, le café Bourgeon, c'est un café qui est assez grand. Il y a une salle à l'étage. Et donc, il partage un petit peu l'espace. C'est un espace qui est partagé par les deux forces politiques, ce qui montre effectivement leur union. On constitue effectivement ce rayon, on discute adhésion, cotisation, c'est là on réunit aussi les amis de l'URSS, les jeunesses communistes qui commencent à se constituer, à engranger de plus en plus d'adhérents effectivement dans la commune. Une autre implantation effectivement des communistes, nous sommes en fait ici au nord en fait de la, enfin non, ici sur la carte, mais vers le G en fait, en suivant le G, vers la zone industrielle qui s'est développée au début en fait du 19e siècle, qui s'est renforcée au 20e siècle, eh bien c'est cette zone industrielle qui est celle, pardon, je ne vais pas le retrouver, voilà, j'aurais dû, voilà, qui est celle effectivement en fait vers les verreries en fait Souchon-Neuvecelle et la compagnie Figeville. Hein, c'est, la carte est un peu inversée puisque le Rhône est, voilà, c'est pas toujours évident à regarder, mais c'est sur cet espace effectivement, 20 rue de la rue Fleury-Neuvecelle, où le Parti communiste va tenir une autre réunion constitutive, pour renforcer son influence dans ce faubourg le 20 avril 1936. Ici il s'agit aussi de capter dans le centre-ville la même clientèle, de séduire les classes moyennes grâce à son alliance avec le Front Populaire, et quand on s'implante effectivement dans un faubourg industriel, de capter effectivement cette clientèle ouvrière, et notamment de manœuvre, pour pouvoir en faire en fait de fidèles soutiens effectivement au parti à l'URSS. C'est-à-dire qu'ici, en fait, le café pour ces ouvriers n'est plus seulement l'espace quotidien limité de sociabilité du quartier, mais ouvre sur la nation en fait, et même sur le monde, sur des problématiques en fait, c'est un moyen... une problématique nationale et internationale, un moyen d'élargir effectivement ses horizons. Et parmi en fait les orateurs qui viennent discuter, notamment au Café Bourgeon, mais on retrouve Jean Héroldi en fait, qui est devenu au milieu des années 30 le secrétaire de la Fédération départementale du Parti communiste, qui montre bien effectivement la droite fait venir en fait Victor Perret, on fait venir en fait Jean Héroldi, qui a eu un rôle effectivement à Juvor, qui a travaillé en fait chez Fiv-Lille, et qui exprime effectivement, énonce le programme en fait devant une quarantaine de personnes au café en fait Bourgeon. Le PSF qui en fait se constitue à partir, puisque les croix de feu ont disparu par décision en fait du Front Populaire, ici la réunion en fait qui se tient à Paris a lieu au mois de juillet 1936 pour constituer le PSF au niveau national. Très rapidement, une nouvelle permanence s'ouvre à Givors au mois d'août 1936, des affiches sont placardées dans la ville invitant les habitants à adhérer en masse au PSF. Des permanences quotidiennes en fait sont mises en place en fait sur la gare d'eau que l'on voit ici effectivement, qui donne vers le Givors Canal, un autre faubourg ouvrier. Et une des permanences a lieu effectivement au café en fait de la Poste, situé rue Victor Hugo, tous les jeudis à 20h. Les potentiels adhérents du PSF peuvent venir s'inscrire. Le but du PSF ici, c'est de ne pas trop empiéter en fait du côté en fait où est le PCF, mais plutôt de récupérer tous les ouvriers qui sont de l'autre côté, du côté du faubourg en fait de Givors Canal. Récupérer effectivement ici, quand on regarde la carte, eh bien on va plutôt en fait vers les faïenciers, les hauts fourneaux en fait. Voilà, c'est ce haut effectivement de la carte. Le pont effectivement que vous voyez ici en fait étant le lieu où le Parti social français tient en fait une permanence. Quand on regarde effectivement aussi les rues dans lesquelles sont implantés ces partis et les cafés en fait, on retrouve bien la sociologie en fait dont je viens de parler avec vous voyez pour la rue Fleury-Neuvecelle la majorité d'ouvriers. Pour le PSF, c'est beaucoup plus en fait mélangé, mais regarde, malgré tout, il y a en fait beaucoup d'ouvriers, des employés, des patrons et commerçants malgré tout, donc un monde en fait plus mêlé sur cette rue Victor Hugo. Alors, donc ici effectivement, ce choix des cafés en fait, ça révèle à la fois l'alliance des partis du Front Populaire, mais aussi les tactiques électorales pour devenir des partis de masse et rassembler le plus d'adhérents possible. Dans une deuxième partie, en fait, je voudrais montrer que ces cafés, en fait, sont des lieux de tension et de rupture politique. Alors, ce sont des lieux, en fait, de reconquête, notamment, effectivement, au moment du Front Populaire, où, les cafés, je les trouve beaucoup moins, en fait, pour les tenues de réunion, quand l'alliance du Front Populaire, en fait, et le Front Populaire se consolide à Givors. C'est les salles, en fait, de cinéma, c'est les salles de spectacle, c'est les anciennes salles des fêtes, en fait, qui sont investies, ou parfois des meetings en plein air. Et donc c'est surtout effectivement la droite qui va chercher à récupérer, mais elle a été un petit peu évincée au moment du Front Populaire. Le cri de Givors, en fait, le journal de Givors, qui est l'organe conservateur, eh bien, s'éteint dès les années, en fait, dès 1936. Hein, le docteur Crozat, effectivement, se met en retrait. Et donc, ça va être par une stratégie périphérique que la droite modérée va chercher à retrouver une certaine influence. Tout comme le fera effectivement en fait le PSF. Alors, par exemple, la droite modérée en fait va profiter des difficultés du Front Populaire, notamment dans les années en fait au cours de l'année 38, et va utiliser les tournées dans les cafés pour le faire, mais pas les cafés de Givors, ceux qui sont effectivement autour des cafés effectivement que l'on va trouver à Échalas, par exemple à Grigny, à Chassagny. Et donc on va faire une tournée effectivement des cafés auxquels on ne va pas. On ne va pas échapper effectivement à l'invitation à boire après la réunion. Et donc, dans le cadre cantonal, qui est celui en fait l'organisation de la Fédération républicaine, eh bien, au moment de la chute du second gouvernement Blum en avril 1938, eh bien, dès le 10 avril, la Fédération républicaine du Rhône organise une tournée de propagande dans le canton. Hein, on va effectivement à Saint-Romain-Angers, Échalas, Saint-Andéol, Le Château, Saint-Jean-de-Toula. On fait venir effectivement les conseillers d'arrondissement, M. Ruel, qui s'est présenté, mais qui a été battu en 1936. On fait venir effectivement le vice-président de la fédération départementale. Et c'est très minuté en fait, c'est-à-dire on ne reste pas si longtemps dans les cafés, puisqu'à 9h30 on est à Saint-Romain-Angers, à 11h on est à Échalas, à 15h on est à Saint-Andéol, et ça s'achève effectivement au café Fillon de Saint-Jean-de-Toula. Et rebelote en fait, si je puis dire, le 8 mai. Eh bien, c'est au tour des communes de Miry, de Chassagny, de Montagny d'être les localités le responsable se rendre compte pour se rendre pour rencontrer les militants. Et donc, c'est une véritable tournée en fait pour encercler effectivement cette ville en fait qui est aux mains des forces du Front Populaire. Le Parti Social Français, lui, effectivement, va aussi tenir, puisque j'ai pas trouvé en fait le nombre d'adhérents, mais il y a malgré tout en fait, il utilise les mêmes salles. Les salles de spectacle et les salles de cinéma à Givors pour faire des réunions, mais il va utiliser effectivement aussi pour conquérir et peut-être ne pas se faire dépasser par la droite modérée, eh bien aussi c'est la droite modérée pour ne pas faire avoir effectivement par le Parti Social Français va utiliser effectivement aussi les cafés et les cafés périphériques. Et en 1937, hein, le Parti Social Français, le 31 janvier en fait 1937, le Parti Social Français va faire une réunion de propagande à Échalas, au Café du Mât, le même qui un an plus tard servira pour une réunion du Parti de la Fédération Républicaine. Et donc on est au-delà du quartier de la Frédière, ici à Échalas, hein, vous voyez, avec le quartier de la Frédière qui est le quartier effectivement de Fives-Lille et des Verreries en fait sous le de Vaisselle. Et donc le Parti Social Français, on a pour cette réunion, on a le rapport du commandant de gendarmerie qui rapporte que des incidents étaient à craindre. On a dépêché effectivement 13 gradés gendarmes. La réunion a commencé à 11h, elle a duré 1h30, ce qui est à peu près le temps, effectivement, quand on regarde, hein, le temps en fait de réunion de l'époque. 150 personnes y assistaient, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et souligner que quelques vendeurs de la Voix du Peuple en fait, se trouvaient dans Échalas. Ils sont partis à l'arrivée des gendarmes et ils disent on va revenir avec des renforts, mais ils ne reviennent jamais. Donc il n'y a eu aucun incident, mais on voit que aux portes du café, ces cafés en fait sont des lieux où les luttes partisanes et les luttes politiques peuvent être très fortes. Et mon dernier point effectivement dans cette partie, c'est de montrer que c'est aussi ces cafés givordins sont les symboles de la rupture et notamment de la rupture du Front Populaire. Le Parti communiste français et les radicaux partagent le même café. Pas forcément, parfois aux dates différentes. Par exemple, en février 1936, je trouve une réunion en fait, des radicaux le 29 février, le mercredi soir, et le vendredi soir, c'est le Parti communiste qui tient une réunion. Donc c'est bien un espace qui est partagé, mais à partir du moment où les radicaux givordins, qui hésitent au cours effectivement, de l'année 1938, où finalement les communistes et les socialistes vont tout faire pour essayer de les garder effectivement, dans le cadre de cette alliance du Front Populaire, vont définitivement en fait rompre au moment où Daladier appelle, au moins en fait d'août, le discours du 21 août 1938 où il annonce qu'il faut remettre la France au travail, les radicaux de Givors se rangent du côté de Daladier et vont rompre définitivement avec le Parti communiste français, les socialistes, et vont déménager leur siège du Café Bourgeon. Au café, effectivement, en fait, de la rue Rochemarker, hein, ce café... le Café Coulon, hein, on dit place de la gare, mais c'est au 29 rue Rochemarker, qui accueille le 16 septembre 1938 l'Assemblée Générale du Comité Radical Socialiste. Donc, ce changement de localisation, eh bien, marque effectivement l'éloignement politique des deux partis, en fait, qui avaient été ceux du Front Populaire, et qui, en fait, avaient tout fait pour essayer de constituer, effectivement, autour des socialistes, ce Front Populaire. Donc, le 28 septembre 1938, dans ce même café, eh bien, les radicaux givordins font un vœu, effectivement, de fidélité, si je puis dire, à Daladier, et donc s'engagent, effectivement, dans le daladierisme. Alors, j'ai mis la sociologie, effectivement, pour le Parti Radical. Alors, il s'agissait de trouver, effectivement, aussi... Bah, d'essayer de garder la même base électorale, en fait, qui était celle du Front Populaire, et quoi de mieux, en fait, que la place de la gare, où, en fait, se rencontre, on est un lieu carrefour, hein, entre les différents mondes, entre le centre-ville et les faubourgs industriels. Alors, pour finir, effectivement, je veux dire que les cafés javorins incarnent bien les différentes dimensions abordées, effectivement, lors de ce colloque. On a vu que c'était des lieux de sociabilité, de réunions politiques, ponctuelles, systématiques. Je ne vais pas parler effectivement aussi de brasseries parfois qui accueillent effectivement certaines réunions et notamment des radicaux pour connaître en fait la personne en fait qui doit les représenter aux élections. Ce sont aussi des lieux d'affrontement entre lieux politiques, des lieux de rassemblement et de convergence politique, mais aussi de rupture politique, comme c'est le cas avec le Café Bourgeon. Voilà. Merci.